ok. ADN, ADN, Garna. Imagine un peu que tu puisses faire de tes rêves un but. Que tu puisses faire taire tous les doutes en trouvant la foi dans tes mille et une luttes. Que tu puisses grimper sans finir en chute. Que tu puisses monter sans puer, c'est le fut. Car franchement, mec, il vaut mieux encore qu'on voit jamais l'or de nos vies que faire la pute. Imagine que t'as pas la poisse. Que quoi que tu fasses, t'es pas suspect pour tous les flics que tu croises. Quand t'es innocent, t'as la liberté garantie 100%. Imagine un monde où ça part pas en couille, pas en embrouille. Pour quelques dollars, pas de doux, pas de doux. Des dépouilles dans nos check-cars, dans nos gares ou après une patrouille. Imagine tout ce qui se passe. Imagine tout ce qui nous dépasse. Imagine que d'ici on se casse. Carnage, ADN dans la place. Imagine tout ce qui se passe. Imagine tout ce qui nous dépasse. Si on se casse, carnage, ADN dans la place. Imagine un monde sans guerre, imagine les Arabes et les Juifs qui font qu'une paire. Imagine un quartier sans rappeur, imagine le danger d'un kamikaze qui a pas peur. Imagine toute une vie sans ta famille, imagine-toi en mode famine quand tu t'agamines. Quand je vois les méthodes Sarko, j'ai du dégoût. Je constate que les keufs sont des ripoux. Imagine-toi en train de peser, imagine que la pression médiatique t'a fait tomber. Imagine ma tête technique partie, imagine-moi en train de t'aplatir. Imagine de belles bouches devant les instances, ils pourront perpétuer ta couche pour tous ces 20 ans. Imagine qu'on s'unisse tous. Il suffit que le peine passe, on dégage tous. Imagine tout ce qui se passe. Imagine tout ce qui nous dépasse. Imagine que d'ici on se casse. Carnage, ADN dans la place. Imagine tout ce qui se passe. Imagine tout ce qui nous dépasse. Imagine que d'ici on se casse. Carnage, ADN dans la place. J'imagine loin d'ici, bouger ma carcasse. Villa et piscine, sous soleil de Caracas. T'imagines pas que j'imagine dans mes pensées. Pour réussir l'énergie déjà dépensée. T'imagines pas mon rap hardcore à la mentale. Pour écouter mon son, pas d'accord parental. Le temps passe et je pense que je passe à côté de l'essentiel. À l'ancienne, taper des délires démentiels. J'imagine réussir, soulager ceux qui m'entourent. Que mon son tourne à Paname dans ses alentours. Pareil qu'il y a du potentiel, mais trop de gaspillage. Moi sans mon rap, c'est comme une femme sans son maquillage. C'est 9-2 poteau, pas de la camrassie. Impossible comme vendre de la coco en pharmacie. J'imagine un monde sans guerre où la paix s'installe. Pas de gosses sans repère, pas de jeunesse instable. J'imagine ma vie si j'étais né ailleurs. À Kaboul, en cagoule et un fusil mitrailleur. J'imagine ces gosses qui naissent plein aux as. Qu'imagine pas la détresse des gosses des favelas. J'imagine disque d'or, j'fermerai les grandes bouches. Titulaire indiscutable et quitter le banc de touche. Pour durer, pas faire une visite touristique. J'écoute pas les jaloux quand ils disent qu'il est tout pourristique. Ici, faut être toujours au galop pour gagner ses galons. Mégaro, MC qui joue les bitches avec des talons. T'imagines pas un Scarla sans sa BM. Comme t'imagines pas le rap sans Carna et ADN. J'continue d'avancer à fond tant que je respire. J'pense qu'au meilleur, j'veux pas imaginer le pire. J'imagine que tu kiffes, tu fais péter les baffes. N'oublie pas KRNA bientôt dans les bacs. Imagine tout ce qui se passe. Imagine tout ce qui nous dépasse. Imagine que d'ici on se casse. Carnage, ADN dans la place. Imagine tout ce qui se passe. Imagine tout ce qui nous dépasse. Imagine que d'ici on se casse. Carnage, ADN dans la place. On n'imagine pas tout ce qui se passe dans ce monde. Quand la tension monte, tout ce qui se passe chaque seconde. On imagine réussir, faire taire les détracteurs. Imagine Carnage, ADN dans ton ghetto blaster. On n'imagine pas tout ce qui se passe dans ce monde. Quand la tension monte, tout ce qui se passe chaque seconde. On imagine réussir, faire taire les détracteurs. Imagine Carnage, ADN dans ton ghetto blaster. Dans ton ghetto blaster.